Bonsoir à tous, bienvenue sur Galaxy, c'est Sans pleurer sans reproche qui démarre pour 2 heures de programme. Comme annoncé la semaine dernière, nous avons ce soir un invité, Kevin Deporter, eh bien, qui vient vous parler de son projet. Vous allez voir, c'est très intéressant. En plus, on fait de la pub pour un projet local, ça nous tient vraiment à cœur. Et bien sûr, ce n'est pas tout ce qu'il y aura au programme ce soir. Il y a une sélection de la semaine, la sélection de la semaine que Walter a choisi. Bah oui, on va se faire plaisir ce soir, parce que non seulement on reçoit Kevin, mais en plus, en sélection de la semaine, c'est un proche, un très très proche. On vit presque ensemble, on va dire. C'est le Jackie Maurice Project avec son album digital The Lost Tracks. Ça se passe sur Bandcamp. On vient de s'écouter le très très bon Bad Experience. Je vous raconte un petit peu l'histoire de ce The Lost Tracks tout à l'heure vers 21h. Bien sûr, comme d'habitude, on revient toujours sur nos pas une semaine auparavant et revisiter la sélection qui a fait également effet. La semaine dernière, c'était le projet français basé à Marseille, issu du label Bordon Product et de son fondateur. Le projet The iPhone, qui fait l'objet d'une série de rééditions. Alors, il y a eu 4 productions sorties depuis le début des années 90. Et j'espère vraiment qu'ils vont aller jusqu'au bout de ce processus. J'ai pu recevoir, avec beaucoup de bonheur en promo et en CD, l'album Resound. Je vous propose bien sûr de redécouvrir cette semaine cet album à travers un titre qui s'appelle Finest Cup. Nouveauté reçue également, c'est le EP digital, paru également en vinyle. C'est le projet Assi Disco, qui propose le EP Verdoppeln, Wiederholen. Ce sera le titre So Young, So Cold. Toujours dans une veine très très 80s, limite EBM et synthpop. Et pour terminer, un coup de cœur, j'ai été ravagé par cette découverte. Ça fait déjà quelques mois que j'ai le fichier dans mon PC. J'ai enfin pris le temps de découvrir ce projet. Ça s'appelle Sieve. C'est exceptionnel. L'album m'a transcendé totalement. J'étais comme vraiment sans voix durant une heure à écouter l'album. Incroyable. Ça s'appelle The 16 Death of a Master. Et c'est le label Prophecy Productions qui me l'a fait parvenir. L'album incroyable, je pense que je vais le passer en sélection de la semaine tellement c'est fantastique. C'est un crossover fantastique entre industriel, drum and bass, musique grégorienne, enfin fantastique. Le titre c'est Loverboy. Allez, j'en dis pas plus, je vous laisse avec la musique. The iPhone, Assi Disco, Sieves, que de la nouveauté dans son pleur et son reproche. Sans pleurs et sans reproches sur Galaxy. We'll be right back. Thank you. Et oui, haut en émotion cette séquence, on a démarré avec The Hyphen et le titre Finest Cup. Bon, tout ça pour bien revisiter l'album Resound dans notre émission. Excellente sortie de notre cher label Boredom Product. Donc il y a pas mal de nouveautés qui arrivent également. Je n'ai pas fini de vous diffuser leur production. The Hyphen, excellent projet minimaliste, synth-pop. Ensuite, Acid Disco. Il s'agit du projet du producteur allemand Daniel Holk. Il a fait paraître déjà 4 albums, un 5e va paraître sur Young and Cold Records. L'album qui s'appellera Todos los conciertos, todas las noches, todos vachos. Et tout ça, bien sûr, on ne sait pas écouter l'album, mais un EP qui s'appelle Verdoppeln et Wiederholen, également sorti chez Young and Cold Records, qui s'est associé à l'excellente agence britannique qu'on apprécie beaucoup, c'est Oddwerk Promotion, le label de Tony Pontius. Il a fait reparaître en digital et en vinyle sur son propre label Icon Series ce fameux EP 4 titres, vraiment, vraiment dément. So Young, So Cold, très très dark comme morceau. Et pour terminer, bien sûr, cette découverte, c'est le producteur de Los Angeles, qui s'appelle Thieves. C'est le projet notamment de Dylan Neal. Il a fait paraître déjà 4 albums et je découvre un peu tardivement ce projet qui me fait beaucoup penser à un mélange de IAMX, Nine Inch Nails et Skinny Puppy. C'est vraiment incroyable. Je vous dis, j'ai encore les poils qui dressent rien qu'à en parler de cet album. L'album s'appelle The 16th Death of My Master. C'est un nouveau label que je découvre également, Prophecy Productions. Franchement, ils m'ont mis plein la tête. L'album est vraiment absolument fabuleux. Hein. Et je pense que je vais vous le sélectionner quand même en album de la semaine prochainement. Tellement le niveau est très très haut. C'est une belle envolée, une belle découverte. Thieves. Allez, après toutes ces émotions, j'ai besoin de m'en remettre un petit peu. Walter, qu'est-ce que tu me proposes ? Allez, je vais te filer un coup de main. Oh, merci. Ça sera, on va présenter le Split EP, Chained, Burnt and Split. C'est un projet commun avec, entre le parisien Antoine Kerberens de Null Split et l'éricain de Invalid. Tout a été fait en commun sur ce EP, les voix et les musiciens s'échangent. Quant à Invalid, c'est donc un trio de Los Angeles. Ils ne font pas dans la dentelle, ça donne envie de jeter une oreille au reste de leur production. C'est de la pure électro-industrielle avec cette touche caractéristique de la jeune génération de musiciens. J'apprécie énormément. Ce sera le morceau Commitment. On continuera dans l'excellence avec l'EP Somewhere Nobody Knows de Stendek. J'avais succombé à son album Carnage. Là, sur ce EP, il propose des versions différentes de certains morceaux de cet album. Il y a des remixes de Synapscape, Hypnoschool, Signal Storung, Stefan Alt en personne et Black Color qui signe le meilleur travail à mes oreilles. C'est donc celui-là qu'on va diffuser. Et on terminera cette séquence en QI négatif totalement. speech. No future. Premier Invalide avec le morceau Commitment du EP, du split EP Chain Burned Splint. Prochaine diffusion, ce sera le groupe Null Split d'ailleurs. On a continué avec quelque chose que j'adore, c'est Stendek, le morceau Somewhere Nobody Knows, remixé par Black Color. C'est une nouveauté de chez Hyman Records. Je vous l'avais promis en fin de séquence, QI négatif, avec le projet du Suédois Eric Hasselberg, ça s'appelle Body Pleasure. Il sort par intermittence des EP depuis 2007. C'est très basique. J'aime bien le très court remix des Polonais de No Sleep by the Machine du morceau Dictatorship. Ça apparaît sur le EP Old School Years. C'est orienté quand même. Tu m'étonnes. Bon, ça a bien envoyé. Allez, maintenant je vous propose de retrouver le projet Magnetic Rust. Il est avec nous ce soir, Kevin De Porter. Il sera en interview d'ici quelques instants. Avant toute chose, eh bien, il me semblait logique de vous diffuser un morceau de son nouvel album intitulé Multicolore. Et j'ai choisi pour cette introduction Robotic Beats. Ensuite, nous enchaînerons directement avec une illustration de trois titres issus de cet album. Et nous profiterons bien de notre invité pour lui poser de copieuses questions et enfin savoir tous les secrets de Magnetic Rust. Donc c'est parti pour cette découverte dans Sans pleurer sans reproche et sur Galaxy Radio. Thank you. Avec un grand plaisir, nous recevons ce soir Kevin Deporter, alias Magnetic Rust. Ben, bonsoir Kevin, bienvenue dans l'émission. Salut Walter, salut Greg, hein, le plaisir est partagé. Alors dis-moi, c'est vrai qu'on se le disait hors antenne, mais c'était une histoire compliquée de pouvoir se voir enfin dans les studios. Par trois fois, on s'est donné rendez-vous, les aléas de la vie, on nous ont empêchés de se retrouver. Et enfin, avec la sortie de ce quatrième album baptisé Multicolore, l'occasion de t'inviter. C'est un véritable plaisir. J'ai adoré tes quatre albums et on va en parler ce soir. Merci. Un univers vraiment particulier, Magnetic Rust, ça veut dire rouille magnétique, littéralement. Alors d'où vient ce nom ? Alors, d'où vient ce nom ? En fait, trouver un nom de groupe, c'est extrêmement compliqué. Alors, je vais donner mon secret. J'ai été sur Internet, et il y a un générateur de mon nom de groupe. Ça existe. Et donc, j'ai rentré simplement Magnetic. Magnetic, je trouvais que ça faisait un peu électro. Et il m'a donné une liste de noms. J'ai choisi Magnetic. Non, mais je trouve ce nom formidable. Ça donne, quand tu imagines en fait, d'ailleurs ta musique permet justement l'illustration de cet imaginaire de vieilles usines désaffectées, justement pleines de rouille, et puis avec peut-être des trucs chimiques pas très recommandables qui traînent encore. Ben voilà, en tout cas, l'imaginaire que ça peut apporter. En tout cas, voilà, j'ai pu me transporter dans ce genre d'univers. Et la musique aussi, elle est purement électronique. Forcément, je suis fan. les influences, on les décèle beaucoup. Moi, je t'ai souvent rapproché à Kraftwerk, mais il n'y a pas que ça. Alors, ah oui. Est-ce que tu peux nous parler des influences ? Alors, on en parlait hors antenne à l'instant, mais oui, il y a sans doute du Jean-Michel Jarre inconsciemment. Il y a du Depeche Mode, mais il y a aussi des groupes récents que j'aime beaucoup, Mondkopf, Moderat, Apparat. J'aime bien John Hopkins, son travail aussi, Brian Eno. Ah, oui. Donc tout ça, c'est des sources d'influence et effectivement, inconsciemment, on doit retrouver un peu de tout ça. Alors, tu n'es pas ton premier projet, hein, tu as participé à des groupes comme Geek tu me disais que, en fait, le split du groupe t'a amené à créer Magnetic Rust. Est-ce que c'est un projet que t'as créé à ce moment-là ou c'était déjà une vieille idée ? Alors, c'était déjà une vieille idée. D'ailleurs, en fait, ça, c'est le projet Magnetic Rust est né un peu avant le split. C'était une idée que j'avais depuis très très longtemps et le moment était venu pour moi de me lancer en 2019. Je me suis dit, écoute, finalement, t'as besoin de personne, vas-y, essaye. Oui, tout à fait. Moi, j'ai trouvé carrément audacieux. Hein. Je me souviens que tu n'avais pas hésité à me contacter à l'époque. Et puis, bon, bah voilà, le destin a fait qu'on ne se rend compte qu'aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, dès le premier album, donc, on décèle une tessiture musicale purement instrumentale, axée vers la musique minimaliste, voire proche de l'industriel. C'est vrai que les sons... alors j'aime bien faire ce mélange entre... Il y a beaucoup de nappes, si on écoute les albums, il y a quand même beaucoup de nappes. Mais il y a aussi beaucoup de sons qui sont vraiment très industriels. Mais alors, je pense que c'est aussi parce que je n'ai pas cité cette influence, mais je l'ai beaucoup écouté quand j'étais plus jeune, mais Front 2-4-2 aussi. Et donc, je pense que inconsciemment aussi, j'essaye de me rapprocher de certaines sonorités proches de Front 242 ou Nine Inch Nails, ou d'autres que j'aime beaucoup. Donc, ben justement, à cette époque, on fait on parle de l'album The Machine qui est paru en 2018, c'est ça ? Et 2019. Donc, 2019. Et donc, il y avait déjà quand même une maturation depuis un petit moment déjà. Oui, depuis un petit moment, oui. J'y réfléchissais déjà depuis un petit moment. D'ailleurs, sur The Machine, il y a des maquettes qui sont plus anciennes, qui ont été ressorties et retravaillées pour l'album. Et donc, très rapidement, très très productif, sort La Chute, puis l'album Fragile, avant de bien sûr de nous permettre de nous rencontrer, c'est l'album Multicolore. Est-ce que tu peux nous parler de cette évolution? Est-ce qu'il y a une évolution dans Magnetic Rust, ou est-ce que tu as resté dans tes bases? Alors, même si je pense qu'on reconnaît une certaine patte, alors c'est un peu prétentieux ce que je dis, mais je crois qu'il y a quand même une patte liée à mes influences. En tout cas, j'ai essayé sur les quatre albums de faire des albums totalement différents. Multicolore, en l'occurrence, c'est un album dans lequel j'ai quand même été un peu plus punchy que par rapport à d'habitude. Beaucoup moins de morceaux ambiantes et peut-être un peu plus de, encore un peu plus dur dans les sons. Est-ce que tu, en fait, le fait de produire la musique instrumentale et ambiante, justement, ça laisse du temps, en fait. Souvent, les morceaux peuvent être très longs. Par contre, toi, tu arrives à condenser tout ça. Et je trouve ça assez intéressant, en fait. Alors, j'aimerais faire des morceaux encore plus longs, Greg. Ah oui, tout à fait. J'aimerais faire des morceaux très longs. J'aimerais faire des morceaux aussi ambitieux que l'on puisse les faire des groupes comme Pink Floyd ou King Crimson. Ça, c'est vraiment aussi des groupes que j'admire. Et j'aimerais me dire à un moment donné réussir à faire voyager la personne qui écoute tout au long d'une instrumentale qui dure 20-25 minutes. Ça, j'adorerais faire, mais en même temps, si on n'est pas doué pour faire des morceaux de plus de 3 minutes, ça sert à rien de faire plus. Alors, dis-moi, pour réaliser, construire, inventer cette musique, quel type de matériel tu utilises? Tu es un collectionneur de vintage, ou est-ce que tu utilises la technologie d'aujourd'hui? Ah, j'utilise beaucoup la technologie d'aujourd'hui, en fait. Les sonorités qu'on entend, bien sûr, elles viennent à la base de synthétiseurs qui ont été mis en logiciel. Hein. Ce sont des émulateurs. Oui. Hein. Mais j'utilise que des émulateurs, quasiment. Mais en tout cas, là où je peux trouver ça remarquable dans ta musique, c'est que justement, on retrouve vraiment l'esprit, les sonorités de ces vieux Korg, etc. C'est vraiment très, très bon. Ah oui, mais il y a beaucoup de Korg, on retrouve des Moog, on va retrouver des ARP 2600, enfin, tous les synthétiseurs qui ont servi justement dans les groupes que j'affectionne. Magnetic Rust sur scène, est-ce que tu as eu des expériences? Est-ce que tu aimerais développer cette activité? Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est en cours. En fait, j'ai contacté un DJ, d'ailleurs, qui peut-être m'écoute ce soir. Raphaël, merci. Si tu m'écoutes, bonsoir. Salut Raphaël. Les contacts sont pris et Raphaël et moi, on va commencer à travailler. J'aimerais que Magnetic Rust sur scène, ça ne soit pas seulement... moi, avec une platine, j'aimerais qu'il y ait de la vidéo, des jeux de lumière, et que ça soit vraiment bien orchestré, et que ça soit quelque chose qui soit fait de manière très professionnelle. Oui, après, c'est vrai que ce type de musique facilite à se projeter dans un imaginaire. C'est vrai que le visuel va être très, très important, je pense, pour toi. Alors, on me dit souvent que Magnetic Rust, c'est une musique très cinématographique. Et effectivement, j'aime bien jouer avec ça parce que je m'amuse des fois à bidouiller des clips parce que je sens que l'image va bien avec la musique. Donc, j'imagine les inspirations, ce n'est pas que la musique, c'est aussi le cinéma, peut-être aussi la littérature. C'est peut-être aussi parce que j'aime beaucoup la science-fiction et que du coup, ça se prête bien à l'imaginaire aussi. Tout à fait, on s'y retrouve, c'est vrai. Donc, vient de sortir l'album Multicolore et... peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est la première fois qu'intervient quelqu'un au chant. Oui, alors j'ai eu l'opportunité de faire une collaboration avec Bertrand Betch, qui est un chanteur français qui cherchait un beatmaker pour faire des participations sur des projets électroniques. Alors j'ai tenté le coup, j'y suis allé au culot, et en fait c'est comme ça que ça s'est fait. Bertrand a dit écoute, on va essayer, envoie-moi une maquette. J'ai envoyé une première maquette qui a été recalée, et puis j'ai renvoyé une deuxième maquette où là Bertrand m'a dit j'adore. Donc, parce qu'on a commencé à travailler comme ça. Ouais, il y a un esprit assez rétro en fait, le mariage du chant français sur une musique électronique minimaliste nous ramène toujours aux années 80 et c'est un véritable délice. Et je pense que tu devrais, j'espère pour l'avenir, travailler plus avec des chanteurs ou chanteuses dans tes productions. Ce serait pas mal. J'y pense hein, de plus en plus. Hein. Déjà avec Bertrand Belge, je pense que ça va pas se terminer comme ça. Hein. On va continuer. Hein. Je pense à retravailler d'autres morceaux. Et j'aimerais, continuer mes collaborations avec d'autres artistes. Oui. Alors moi, je suis fasciné par la sombritude de ta musique. Et ça, c'est un vieux défaut que j'ai depuis toujours. Et pourquoi avoir appelé ton album multicolore justement? Parce que ça apporte peut-être de la lumière, des choses positives. Est-ce qu'il y a tout ça dans ce titre? Chacun de mes albums porte un titre bien particulier parce que j'ai voulu les rattacher à des thèmes. Quand j'ai fait The Machine, je voulais parler de l'industrialisation. Quand j'ai fait La Chute, c'était dans une période très compliquée où je voulais parler émotionnellement de mon état. Hein. Quand j'ai fait Fragile, je voulais parler d'écologie. Dans Multicolore, j'ai voulu parler de diversité, en fait. Et je pense avoir voulu le retranscrire au travers de morceaux très variés, avec des sonorités beaucoup plus larges en termes de choix que ce que j'ai pu faire auparavant. Alors justement, apporter l'image au son, est-ce qu'il y a des vidéos? Est-ce que tu as travaillé sur des vidéos pour illustrer tes... Alors il y a un premier clip là, avec Bertrand Betch sur le single « Ça bouge encore ». Qui est disponible sur YouTube et les suivants arriveront. Et on peut retrouver aussi d'anciennes vidéos, des vidéos un peu plus anciennes de mes albums précédents. Multicolore, 10 titres assez impressionnants. Hein, bien sûr, c'est une invitation au voyage dans l'esprit, bien sûr. Et on peut dire aussi que tes productions, c'est assez sympa d'ailleurs, sont disponibles sur une page Bandcamp. Et donc là, tu proposes un prix libre, en fait. Oui, en fait. Les gens mettent ce qu'ils veulent, en fait. Ceux qui veulent le télécharger gratuitement, le téléchargent gratuitement. Moi, je pense que la musique se partage aujourd'hui. De toute manière, ça ne sert à rien d'essayer de se battre et d'essayer d'aller batailler pour aller vendre son album. La musique, de toute manière, c'est fait pour être partagée, c'est fait pour être écoutée. Alors, disons que ma logique est celle-ci. Celui qui veut l'écouter et le télécharger, eh ben, il est libre de le faire. Bah, vous retrouverez bien sûr nos liens sur les pages Sans pleurer sans approche sur Facebook et autres pages multimédia. Je donne l'adresse d'ailleurs, hein, c'est magneticrust.bandcamp.com. N'hésitez pas, il y a 4 albums. C'est vraiment un truc sympa à découvrir, de la pure électronique qui nous rappelle Tangerine Dream notamment, hein, un groupe que j'aime beaucoup aussi. Kraftwerk, bien sûr. Un véritable bonheur. Tu es basé dans le Nord. Oui, Villeneuve-d'Ascq exactement. Tout à fait, on est voisins presque, c'est fantastique. Et ça va nous permettre peut-être aussi de faciliter les futurs rendez-vous, puisque comme on ne s'est pas trop croisé ces 3 dernières années, moi je vais te proposer de boire l'apéro de temps en temps ici. Ah bah avec écoute, nous. N'hésite pas. Walter, est-ce que tu as une question à ajouter, non? C'est vrai que c'est... Je vois qu'Evelyne est venue équipée, donc on va en parler de son CD en physique. Tout à fait. Alors, moi, je vous propose bien sûr de... Le numéro de téléphone. 0320 83 5757. N'oubliez pas, donc 0320 83 5757, c'est le numéro du standard de Galaxy Radio. Parce que, en fait, notre ami Kevin est venu les mains pleines et on a 2 albums en CD à vous proposer ce soir à gagner. Bien sûr, il faut nous appeler maintenant. Maintenant, je vous propose de retrouver un nouvel extrait. Et je vais en profiter pour remercier Kevin pour son passage dans l'émission. Bah, merci à vous. C'était vraiment avec plaisir que je suis venu. Et puis, j'espère qu'on pourra se revoir autour d'un verre, ou même ici en radio. Eh bien, écoute, ça sera un plaisir partagé. On va bientôt poursuivre la présentation de Multicolore. J'ai choisi le titre Bullshit Jobs, qui est vraiment mon favori de l'album, très très punchy. Alors je ne sais pas en deux phrases que veut dire ce morceau. C'est quoi l'histoire de cette chanson? Je pense que le titre parle de lui-même. Hein. Voilà. Il y a toujours un peu d'orientation politique dans mes albums. Hein. Je ne devrais pas, mais je ne peux pas m'en empêcher. Bon, ben, Kevin, en tout cas, un grand merci une nouvelle fois. On garde les dernières secondes du titre multicolore et on enchaîne avec Magnetic Rust et Bullshit Jobs. Merci. Bonne soirée, merci. Au revoir. Ciao. Sur l'île. Ça ravage. Galaxyradio.fr. Ça fait du bien ce genre d'interview. Oui, tout à fait. Donc, un big up à Manity Crust et son album Multicolor. On s'est écouté le titre Bullshit Jobs. Donc, allez voir sur sa page Bandcamp, je rappelle. Ces quatre albums sont disponibles libres. Maintenant, il est temps de retrouver la sélection de la semaine. Et oui, c'est une sélection de la semaine qui nous tient à cœur, Greg et moi. Aussi. C'est les The Lost Tracks de Jackie Meurice. C'est le Jackie Meurice Project. Je vous la fais encore une fois, mais je vous fais une rapide présentation de la carrière immense de Jackie Meurice. Il a participé en ce qui concerne les groupes les plus connus à Amnesia, Le Parc, Stupid Boys, les Go Culture, Voice of Love et bien d'autres encore. Et son projet principal étant Signal Out 42. Jackie fait partie de l'histoire de Galaxy Radio d'ailleurs avec le fameux Le Dormeur de Pleasure Game. Ce titre a cartonné, Philippe Dont fait plusieurs galas par an autour de ce tube, plusieurs fois disque d'or. Revenons à The Lost Tracks. C'est une collection de titres créés au moment de l'album Insurrection de Signal Out 42. C'est une période durant laquelle Jackie Meurice a vraiment été inspiré. Il y a eu beaucoup d'actualités, un peu déjantées d'ailleurs. Insurrection est à mon goût, hein, je pense que tu vas partager cet avis, Greg. Un de ses meilleurs albums. Tout à fait, ouais. Jackie était tellement prolifique à cette époque qu'il a gardé sous le coude 10 morceaux qui ne sont pas apparus sur Insurrection. Il n'a pas eu l'occasion d'enregistrer les voix, il les a stockés et les a ressortis. Comme il travaille sur un tout nouvel album de Signal 42 qui, on doit le dire, est différent des précédents et franchement tout aussi efficace que Insurrection, il n'a pas voulu mettre à la corbeille les 10 morceaux restants et les a intégrés à Jackie Meurice Project. La base des morceaux est EBM et New Beat, et à mon sens, ce ne sont pas des maquettes. Ils trouvent parfaitement leur place sur Jackie Meurice Project. On s'écoutait en début d'émission le très très bon Bad Experience, et là on s'écoute One Night. Jackie Meris Project avec le morceau One Night de l'album de Lost Tracks. C'est dispo sur Bandcamp. Tout à fait. Et ben en plus, j'en profite pour faire une paire de gros bêches à Jackie. Oh ouais. Il nous manque aussi, hein, on se voit de temps en temps, mais on ne se voit pas assez. C'est vrai. Petite info aussi, parce qu'on va passer à l'agenda sans pleurer sans reproche, quelques dates de concert à vous annoncer. D'ailleurs, SA42 sera fort sollicité début de l'année 2022. Il y a pas mal de dates de prévues, notamment à Saint-Nicolas, à Barcelone, Madrid, Berlin. Et Berlin. Voilà. Avec Front. Avec Front de 4-2 aussi, ouais, c'est vrai. Qui sera sur scène? Hein? On en parle après. Ah bref. Est-ce que tu veux passer à quelques dates de l'agenda? Je n'en ai pas beaucoup. Ouais, vas-y. Ça sera deux dates très rapides. 13 et 14 novembre, il y a le festival Etropolis à Oberhausen. Il y a les Masters, hein. Il y a Front de 4-2, il y a Covenant, il y a Ossico, Durama, Torul, Sveite Jugend et Fixate Sedate. Le 4 décembre, je sais que c'est un petit peu loin, mais la date vaut le coup. Ça se passe au Black Lab. C'est Lebanon, Hanover et Cellophane. Oh, j'adore. Écoute, tu peux prendre le relais. Ben oui, moi je vais faire un pont d'or à l'aéronef. Ils nous ont invités à participer à une soirée. Il y a pas mal de bons événements qui se déroulent d'ailleurs sur la scène de l'aéronef. Alors j'en ai quelques-unes à vous annoncer. On commencera avec le mardi 20 octobre avec l'artiste Eivor, hein, issu natif des îles Féroé, et musique électronique, celtique, un mélange assez ahurissant. C'est vraiment très très bon, Eivor, donc mercredi 20 octobre, ils seront accompagnés du groupe Red Moon sur scène. Autre date intéressante, c'est Mary Davidson, que l'on connaît en tant que productrice d'électro, techno, minimaliste, voire club aussi, puisqu'il y a pas mal de remix avec Vitalik qui traîne sur les réseaux. Elle a fondé un nouveau projet après son groupe Essepa. Un nouveau projet un peu différent, plus pop, rock. Enfin, voilà, c'est assez intéressant. Avec plusieurs musiciens sous le nom L'Œil Nu. Donc Mary Davidson et L'Œil Nu en concert le vendredi 29 octobre. Bien sûr, à l'aéronef. Ensuite, autre date, Wax Taylor, avec son trip-hop électro-hip-hop. Il sera le samedi 20 novembre, bien sûr, à l'aéro. Peu de temps après, une découverte à faire. Je pense que je vous passerai un morceau dans l'émission. C'est le groupe rock post-punk qui s'appelle Viagra Boys. Ce sont des Suédois. Ils sont complètement marteaux. Ça risque d'être vraiment très très chaud sur la scène de l'aéronef. Ils seront en concert avec le groupe Tamar Afek. Et dans la même veine, il y a eux, Certain Ratio, un bon vieux groupe en parallèle de New Order, par exemple. Qui seront avec le groupe Marquis le dimanche 28 novembre. Mais je vais revenir sur une date qui nous concerne. On a vraiment la joie, le bonheur d'être greffé à un événement, on va dire, électro, cold wave, post-punk, avec Whispering Sounds, Louisa, qui sera en configuration live band. Également à l'affiche Ascendant Vierge et le DJ Cabaret Nocturne, également producteur. On aura la chance de faire l'ouverture de cette soirée, moi et Walter, plus tous les inters entre chaque groupe. Le final sera donc réservé à Cabaret Nocturne, qui fait une excellente musique. Enfin, si vous ne savez pas quoi faire pendant la fête d'Halloween, moi je vous propose, ce sera le dimanche 31 octobre bien entendu, venez à l'aéronef. Avenue Willy Brandt à Lille. C'est vraiment bien voisin de la gare Lille-Flandre. Vous ne pouvez pas vous tromper. On vous attend dès 18h pour le coup de feu DJ de Grigolini et EBM Nator, vos serviteurs. Voilà pour la rubrique news. Je vais peut-être laisser à nouveau la parole à Kevin, puisqu'il y a une date de concert également à annoncer. Une petite exclusivité en plus de notre rubrique, ça fait du bien. Oui, c'est encore moi. Alors, tout à l'heure, je n'en ai pas parlé, mais effectivement, quand on a parlé des concerts, j'ai une date. J'ai une date pour un premier concert qui, normalement, devrait se dérouler le 26 février à 17h30 à la médiathèque du Vieux-Lille qui se trouve place Louise de Bétigny à Lille. Donc, ce sera une toute première et j'espère que vous viendrez nombreux. Bah écoute, de toute façon, on va relayer cette information jusque ce début d'année 2022. On sera là aussi. Eh ben super. Voilà, donc cette rubrique news se clôt sur cette bonne information. Voilà, il y a du lourd pour nous, de bonnes activités, ça fait du bien. Allez, maintenant je vous propose d'illustrer bien les quelques dates des affiches proposées à l'aéronef de Lille. Notamment cette fameuse soirée du 31 octobre. On va s'écouter Whispering Sounds avec le titre Strange Identities, datant de 2015. On enchaînera avec Louisa, productrice, avec le titre Change en Radio Edit. Un EP qui était sorti sur l'excellent label Bromance Records. Et on terminera avec la très très jolie Marie Davidson, avec son combo L'œil nu, pour présenter son nouvel album. Extrait de celui-ci, ce sera le titre « C'est parce que je m'en fous ». Donc bien sûr, vous avez compris, chanté en français. C'est une Québécoise. C'est parti, spécial Aéronef, spécial concert, spécial agenda. Whispering Sounds, Louisa et Marie Davidson et L'œil nu. Electro, Indus, Pop, Body, Rock, Dark, Goth, sans sampleur et sans reproche. Toute l'actu Electro Indus sur Lille. Change. Subseen, unseen. À l'honneur, l'aéronef de Lille, excellente salle de spectacle, pas mal de groupes annoncés durant la rubrique News, eh bien, vous ont été présentés, notamment Whispering Sounds avec Strange Identities, extrait du vinyle 45 tours, performance Strange Identities, paru sur le label très élitiste Wired Sound Records. Oh, ça date de 2015. Ensuite, Louisa, excellente productrice française, avec le titre Change en radio edit, issu d'un EP digital qui s'appelait Shadow Work, et c'était paru chez Bromance Records il y a quelques années quand même. C'était vraiment très très bon, très dark. Et pour terminer, Marie Davidson, que je connais à travers le projet Et c'est pas, que j'adore. Là, c'est une autre vision de la musique. Elle s'adonne avec le groupe L'œil nu. On s'est écouté C'est parce que je m'en fous, qui a fait beaucoup penser à Lio finalement. Ah, carrément. Hein, cet extrait de l'album Renegade Breakdown, paru au Canada chez Bound Sound Records et distribué en Europe et ressorti chez Ninja Tunes quand même. Voilà, tout ça, ce sera bien sûr à l'aéronef de Lille. Et tu sais ce que j'aime bien à l'aéronef, ce qu'ils arrivent à nous faire découvrir des groupes. Louisa, je ne connaissais pas du tout, hein, par exemple. Cabaret oui. Nocturne, c'est pareil. Bah écoute, bravo. Tu vas en prendre plein les yeux, je te le dis. C'est que du très très bon. Allez, maintenant je te laisse place pour faire le finish de cette édition. Je vais présenter l'album de Stoneburner, dans lequel j'avais de grands espoirs. J'aime beaucoup l'audace de Stoneburner sur ce maxi. Et je constate qu'il se lâche sur des grands formats. Ouais. Cette tête brûlée n'en fait qu'à sa tête. Sur Apex Predator, son album, ça part dans trop de sens différents, avec énormément de guitare. Toutefois, je veux quand même rendre hommage à cet artiste en diffusant ses singles qui paraît sur cet album Apex Predator, le single étant Spectrum. On continuera avec l'inlassable Toxic Risor. Ce grec ne quitte jamais ses machines et propose un EP post-Covid qu'il met en relation avec une catastrophe nucléaire. Sympa. Ça s'appelle Nuclear Devastation. On s'écoutera le morceau Ace of Spades. Et bien sûr, sorti sur sa structure Verstat Recordings. Puis ça sera autour de Human Vault avec le morceau de Human Error en album mix. Tiré de l'énormissime compilation Document 2 de chez Aliens Productions. La playlist est énorme et entre les groupes inconnus se présentent des formations dont les noms vous rappellent de bons souvenirs. Il y a Mortal Constraint, Mulfia, Amnistia, Holon et Jihad. Il y a du lourd. Ouais. J'adore. Les atmosphères résident entre l'ambiance électronique et l'industriel. C'est vraiment une excellente compilation. Et après, je pense qu'il nous reste 3-4-5 minutes. Ce sera un petit morceau bonus. Allez. Ben nous, on se dit à la semaine prochaine. Ouais, ouais, tout à fait. Merci de rester fidèle à Sans pleurer, sans reproche. Vous nous retrouvez sur iTunes, sur Deezer, sur je ne sais même plus, Mixcloud, archive.org, Amazon Music, qui marche très bien. Aussi, ouais. Voilà. Avec Alexa. Alexa, écoute-moi sans reproche. Et bizarrement, Alexa, à la maison, elle décapsule une canette. Exactement, voilà. Allez, bah écoute, Walter, gros bec. À la semaine prochaine. Kevin, à la semaine prochaine. Restez bien avancé, branché. Allez, allez, viens, bientôt, ciao. Parler. He's a strange one. He's a mutation. You take. He's a strange one. You take. He's a strange one. You take. He's a strange one. You take. All the action. девушки, парни, наркотики. Sans pleurs et sans reproches.